Premier livre de Samuel, chapitre 15. Or Samuel dit à Saül, « L'Éternel m'a envoyé pour toindre, afin que tu sois roi sur mon peuple, sur Israël, maintenant donc écoute les paroles de l'Éternel. » Ainsi a dit l'Éternel des armées, « J'ai rappelé en ma mémoire ce qu'Amalek a fait à Israël, et comment il s'opposa à lui sur le chemin, quand il montait d'Égypte. Va maintenant, et frappe Amalek, et détruisez à la façon de l'interdit tout ce qu'il a, et ne l'épargne point, mais fais mourir tant les hommes que les femmes, tant les grands que ceux qui têtent, tant les bœufs que le menu bétail, tant les chameaux que les ânes. » Saül donc assembla le peuple à cri public, et en fit le dénombrement à Télaïm, qui fut de 200 000 hommes de pied, et de 10 000 hommes de Juda. Et Saül vint jusqu'à la ville de Amalek, et mit des embuscades dans la vallée. Et Saül dit aux Kéniens, « Allez retirez-vous, descendez du milieu des Amalécites, de peur que je ne vous enveloppe avec eux, car vous usâtes de gratuité envers tous les enfants d'Israël, quand ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent d'entre les Amalécites. Et Saül frappa les Amalécites depuis Avila jusqu'en Sur, qui est vis-à-vis d'Égypte. Et il prit Biphaga, roi d'Amalek, mais il fit passer tout le peuple au fil de l'épée à la façon de l'interdit. Saül donc et le peuple épargnèrent Aga, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes grasses, les agneaux, et tout ce qui était bon, et ils ne voulurent point les détruire à la façon de l'interdit, ils détruisirent seulement à la façon de l'interdit, tout ce qui n'était d'aucun prix, et méprisable. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en disant, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi, et n'a point exécuté mes paroles. » Et Samuel en fut fort attristé, et cria à l'Éternel toute cette nuit-là. Puis Samuel se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on fit rapport à Samuel, en disant, « Saül est venu à Carmel, et voici il s'est fait l'adresser une place, mais il s'en est retourné, et passant au-delà il est descendu à Gilgal. » Quand Samuel fut venu à Saül, Saül lui dit, « Tu sois béni de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Et Samuel dit, « Quel est donc ce bêlement de brebis à mes oreilles, et ce meuglement de bœufs que j'entends ?» Et Saül répondit, « Ils les ont amenés des Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, pour les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et nous avons détruit le reste à la façon de l'interdit. » Et Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et il lui répondit, « Parle. » Samuel donc dit, « N'est-il pas vrai que, quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël, et l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël ? Or l'Éternel t'avait envoyé en cette expédition, et t'avait dit, « Va, et détruis à la façon de l'interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre, jusqu'à ce qu'ils soient consumés. Et pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de l'Éternel, mais tu t'es jeté sur le butin, et as fait ce qui déplaît à l'Éternel ?» Et Saül répondit à Samuel, « J'ai pourtant obéi à la voix de l'Éternel, et je suis allé par le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé, et j'ai amené à Garoad et Amalécites, et j'ai détruit à la façon de l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris des brebis et des bœufs du butin, comme des prémices de l'interdit, pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Alors Samuel dit, « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme qu'on obéisse à sa voix ? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et se rendre attentif vaut mieux que la graisse des moutons, car la rébellion est autant que le péché de divination, et c'est une idole et un téraphime que la transgression. Parce donc que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté, afin que tu ne sois plus roi. » Et Saül répondit à Samuel, « J'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de l'Éternel, et tes paroles, car je craignais le peuple, et j'ai acquiescé à sa voix. Mais maintenant, je te prie, pardonne-moi mon péché, et retourne-t'en avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Et Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, et que l'Éternel t'a rejeté, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül lui prit le pan de son manteau, qui se déchira. Alors Samuel lui dit, « L'Éternel a aujourd'hui déchiré le royaume d'Israël de dessus toi, et l'a donné à ton prochain, qui est meilleur que toi. » Et en effet, la force d'Israël ne mentira point, elle ne se repentira point, car il n'est pas un homme, pour se repentir. Et Saül répondit, « J'ai péché, mais honore-moi maintenant, je te prie, en la présence des anciens de mon peuple, et en la présence d'Israël, et retourne-t'en avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel donc s'en retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agar roi d'Amalek. » Et Agar vint à lui, faisant le gracieux, car Agar disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Mais Samuel dit, « Comme ton épée a privé les femmes de leurs enfants, ainsi ta mère sera privée d'enfants entre les femmes. » Et Samuel mit Agar en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Puis il s'en alla à Rama, et Saül monta en sa maison à Guiba de Saül. Et Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, quoique Samuel eût mené deuil sur Saül, de ce que l'Éternel s'était repenti d'avoir établi Saül pour roi sur Israël.